Activité 8, 9 et 10. 1. Pardon, monsieur, vous connaissez la semaine du goût ? Oui, Je fais une enquête sur la consommation alimentaire. Vous avez quelques minutes ? Oui, bien sûr. Nous sommes au rayon boucherie. Pouvez-vous regarder cette liste de viandes et me dire ce que vous mangez ? Souvent, rarement ou jamais ? Oui, d'accord. Alors, je mange souvent du porc, du poulet, de la dinde et parfois du lapin. J'aime beaucoup les viandes blanches. Du bœuf et de l'agneau, rarement. Du cheval ? Ah non, pas de cheval. Je n'aime pas le cheval. Merci. Vous voulez bien me donner votre âge ? 26 ans. Merci, monsieur. Deux. Madame, vous êtes devant le rayon des fruits et légumes, c'est la semaine du goût, et je fais une enquête sur la consommation alimentaire. Vous mangez beaucoup de légumes ? Oui, j'adore les légumes. Et c'est bon pour la santé. Regardez cette liste et dites quels légumes vous mangez souvent, rarement ou pas du tout. Ben, je mange souvent des carottes. Beaucoup de carottes. Des haricots verts, de la salade verte, des tomates, des courgettes. Presque tous les légumes. Ah bon ? Oui, sauf deux. Je ne mange pas d'artichauts et jamais de navets. Je déteste les navets. J'aurais besoin de votre âge, s'il vous plaît. C'est pour l'enquête. Ah, 49 ans. Merci beaucoup, madame.